tout en souhaitant la bienvenue, bien entendu, à tous les étudiants, mais plus particulièrement à tous les employés du ministère. Les STF et STP nous envoient chaque année un certain nombre de leurs agents. STF Finance, Économie, Sécurité sociale. Et donc, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui sont intéressés par ce cours et je le souhaite. La bienvenue à l'Université Libre de Bruxelles. Alors, ce cours de comptabilité financière provient, je dirais, d'un mécanisme que j'ai créé il y a quelques années, à savoir qu'il y avait un cours où se mélangeaient plusieurs sections. Et j'ai proposé au jury des différentes sections de créer deux cours. Bien entendu, je devais les animer tous les deux, de garder ce cours ouvert à l'ensemble des sections et facultés de l'université et qui vise simplement une introduction générale de la comptabilité et un cours de comptabilité approfondi qui vient après, un deuxième BA Solvay, mais également pour les étudiants de droit fiscal et pour une section de polytechnique. Donc ce cours est un cours de comptabilité financière, donc introduction à la comptabilité, comptabilité financière ou comptabilité générale. Je me présente d'abord, mon nom est Pouze, je suis titulaire de chef de comptabilité et contrôle de gestion à Solvay, particulièrement et à l'Université de Bruxelles, dans les autres sections que vous voyez là. Et j'ai donc le plaisir de présenter ce cours, on va voir un peu quelles sont les modalités, aussi bien quel est le plan, quel est le matériel pédagogique dont vous allez avoir besoin, quel est le système d'évaluation, puisqu'on prévoit deux interrogations écrites, parce que pédagogiquement, c'est une méthode qui s'impose pour ce type d'auditoire, parce que une grande partie des étudiants de cet auditoire sont des étudiants de premier BA, ingé et sciences économiques, et donc pédagogiquement, il s'imposait de ne pas attendre, je dirais, l'examen de mai pour préparer la matière. Et donc, on a estimé, je considérais avec mes assistants, que le fait d'entrecouper la matière de deux interrogations qui interviennent dans la moyenne permettait un peu de garder une attention constante, parce que pour les matières comme la comptabilité, les mathématiques, les statistiques, c'est une acquisition progressive qui s'impose et pas simplement le fait de bloquer deux ou trois jours avant l'examen. Alors, en quoi consiste la comptabilité financière par rapport à d'autres types de comptabilité tels qu'on les propose, tels qu'on en parle? Eh bien, la comptabilité qui est un autre programme cette année est une comptabilité qui est obligatoire pour les entreprises. Les entreprises sont obligées par la loi de tenir cette comptabilité, tout simplement parce que c'est une comptabilité informe les tiers. Elle est utile pour les gestionnaires, mais elle est surtout nécessaire pour informer les tiers à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ce n'est pas vous qui choisissez de tenir ou non une comptabilité générale. La comptabilité générale est tenue par les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et on verra d'ailleurs que les comptes que publient ces entreprises vont différer en fonction de leur taille. La comptabilité donc est obligatoire parce qu'il faut informer un certain nombre de tiers et ces tiers sont relativement importants. Alors, essayons d'en voir quelques-uns. Alors, parmi les tiers intéressés par la comptabilité d'une entreprise, il y en a quelques-uns qui sont évidents. C'est l'administration fiscale. Dans cette administration fiscale, on va parler de l'impôt des sociétés. Donc, en fait, il y a dans l'administration fiscale une division qui vérifie le bénéfice que vous réalisez en tant que société, étant donné que lorsque vous avez un bénéfice dans une société, vous devez payer quelque 34% d'impôts à l'administration fiscale pour que vous puissiez vérifier, qu'on puisse vérifier que vous avez le bon bénéfice sur lequel vous allez payer cet impôt de 34%, eh bien, il faut qu'on puisse vérifier votre comptabilité. Sans votre comptabilité, l'administration fiscale est incapable de vérifier l'assiette fiscale que vous avez. Cet impôt des sociétés, dans le jargon technique, on l'appelle l'ISOC. En Belgique. En France, on dit S. En Belgique, on dit l'ISOC, c'est l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Par opposition à l'ISOC des sociétés, l'impôt que nous payons en tant que personne physique, on l'appelle l'IPP, impôt des personnes physiques. D'accord ? Donc, il y a deux formes d'impôt. L'impôt sur le revenu, quand on est salarié, on paye un impôt. Ça s'appelle l'impôt des personnes physiques, IPP. Et lorsqu'on est une société, le bénéfice fait l'objet d'un impôt ISOC 33,99%. C'est un tiers très intéressé par votre comptabilité et qui a besoin de votre comptabilité pour vous taxer. Il y a un deuxième public interne à l'administration fiscale qui s'appelle la TVA. Lorsque vous êtes une entreprise, vous achetez à des fournisseurs et vous vendez à des clients. Je vais donc juste ouvrir une petite parenthèse pour clarifier ce point. Nous aurons l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Donc, prenons une entreprise assujettie qui achète à des fournisseurs et qui vend à des clients. Chaque fois qu'elle vend à des clients, on considère qu'elle réalise un chiffre d'affaires ou qu'elle fait des ventes. On verra d'ailleurs petit à petit qu'au-delà des mécanismes de comptabilité, il y a tout un langage financier qu'il faut évidemment acquérir. Donc cette entreprise, imaginons qu'elle achète pour 100 euros plus 21, elle va donc devoir payer à son fournisseur 121 euros, 121 000 ou 121 millions, peu importe. Donc vous êtes assujetti et vous achetez pour 121, TVA comprise, TTC. Eh bien, en tant qu'entreprise assujettie, vous avez le droit de récupérer 21 auprès de l'administration fiscale. Donc, vous avez une créance de 21 sur l'administration fiscale, puisque vous êtes assujetti, vous avez le droit de récupérer la TVA en un. Vous avez le droit de récupérer la TVA sur les encours. Donc, lorsque vous achetez un matériel, un investissement, des matières premières, des fournitures, la TVA que vous payez à votre fournisseur, vous avez le droit de la récupérer auprès de l'administration de la TVA. Et bien entendu, puisque vous êtes assujetti, et quand on vous a fait une fleur sur les entrées, on vous attend pour les sorties. Et si vous vendez ces mêmes marchandises à 300 euros plus 21, vous devez donc demander à votre client de vous payer 300 fois 1,21, 300 plus 63, 363. Eh bien, dans le système de TVA, dans ces 363, les 63 ne vous appartiennent déjà pas. Ils appartiennent à l'administration de la TVA. Il faudra les lui verser. Et donc, la raison pour laquelle ce cours de comptabilité vient en tout début du cursus, précisément des étudiants de première BA, 1G et école, et un peu tardivement pour les étudiants de la faculté de droit, qui j'espère sont de plus en plus nombreux, parce que la comptabilité est aussi importante pour eux que pour les économistes. Eh bien, on verra que dans la finance, c'est une matière qui va venir un peu plus tard, vous devez gérer votre trésorerie convenablement. Parce que même si votre client ne va vous payer que dans 2 mois, dans 3 mois, vous vous devez déjà avancer les 63 à l'administration de la TVA. De même, même si vous, vous ne payerez votre fournisseur que dans 2 mois ou 3 mois, vous avez le droit de récupérer les 21. Donc les 63 que vous payez et les 21 que vous récupérez ne dépendent pas du délai que vous accordez à vos clients ou du délai que vous obtenez de vos fournisseurs. C'est pour la prochaine déclaration de la TVA que vous devrez faire le décompte. Et en l'occurrence, il vous est défavorable puisque vous devez payer 42 à l'administration. D'accord ? Donc, en tant qu'entreprise, vous devez faire vos déclarations de TVA. Ces déclarations de TVA, elles sont mensuelles ou trimestriel en fonction de la taille et du chiffre d'affaires. Et donc si, ce qui est le cas général pour la plupart des grandes entreprises, vous faites des déclarations mensuelles, ça veut dire que si au cours du mois de janvier 2017, vous avez vendu pour 363 000 et que vous avez acheté pour 121 000, vous devez pour le 20 février, verser à l'administration de la TVA 42 000. Et si vous ne le versez pas ou si vous le versez en retard, il va y avoir évidemment des intérêts de retard qui vont tomber à partir d'un certain an. D'accord ? Alors, je reviens un petit peu en arrière, simplement pour vous montrer que si ce cours intervient au début, c'est pour que vous puissiez acquérir un langage financier, mais c'est aussi parce que c'est l'antichambre de certaines matières, comme la fiscalité, comme la finance, comme le contrôle, etc. Et donc, à côté de cet élément de trésorerie que vous pouvez avoir avec la TVA, si je reviens à l'impôt des sociétés, eh bien vous pouvez aussi avoir un problème, parce que figurez-vous, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus en détail, que cet impôt des sociétés que vous devez payer, on n'attend pas l'année suivante pour que vous le payiez. Donc, schématiquement, vis-à-vis de ce problème de l'impôt des sociétés, de nouveau je vais le clarifier légèrement, imaginons que vous clôturez l'exercice 2016. A priori, si votre exercice comptable va du 1/1 au 31/12/2016, vous disposez de 6 mois pour clôturer vos comptes et pour réunir l'Assemblée générale des actionnaires qui va approuver les comptes. Et vous disposez ensuite d'un mois pour publier les comptes. Et pour remettre votre déclaration fiscale que vous rentrez, je dirais, en début de l'automne 2017. Ce qui veut dire que si vous rentrez votre déclaration fiscale, par exemple, en juillet 2017, donc en plein été 2017, ne croyez pas que vous allez payer les impôts fin 2017, voire de début 2018. Parce que normalement, vous devez attendre ce que l'on appelle l'avertissement extrait de rôle, l'AER. Donc, en fait, en quelque sorte, le document qui précise ce que vous devez payer comme impôt, donc avertissement extrait de rôle. Ne croyez pas que vous allez attendre de recevoir cet AER fin 2017 ou début 2018 pour payer l'impôt. L'administration fiscale réfléchit à sa trésorerie. Et donc, le mécanisme qui a été imaginé, c'est que chaque fois qu'un trimestre se termine, vous devez estimer le bénéfice de ce trimestre et verser anticipativement l'impôt. Donc, ça veut dire que si vous terminez le premier trimestre de 2016, donc imaginons qu'on soit encore en 2016, janvier, février, mars 2016, eh bien, pour le 10 avril, vous devez effectuer le premier versement anticipé sur l'impôt pour lequel vous allez rentrer votre déclaration en juillet 2017 et pour lequel vous allez probablement recevoir un avertissement extrait de rôle fin 2017, voire début 2018. Donc ce que j'essaie simplement de vous montrer ici, c'est que les 34% d'impôt sur le bénéfice, vous devez les payer progressivement à la fin de chaque trimestre et pas l'année suivante ou deux ans plus tard. Ce qui veut dire que là aussi, il faut que vous ayez une comptabilité tenue, je dirais, correctement et que vous veillez à votre trésorerie parce que si vous faites des bénéfices, parce que vous avez vendu à des clients qui vont vous payer tardivement, vous devez néanmoins verser l'impôt sur le bénéfice, lequel bénéfice est encore un bénéfice comptable, mais qui n'a pas nécessairement été perçu, on rentrera dans les nuances plus tard. Je reviens en arrière. Donc l'impôt des sociétés, la TVA, les créanciers. Donc je suis en train de voir les différents publics concernés par une comptabilité, la comptabilité qui est à notre programme. Eh bien, on parle de créancier, c'est-à-dire généralement ceux qui ont une créance sur vous, c'est-à-dire les fournisseurs, les banquiers. Alors, dans les créanciers, on va mettre les fournisseurs, les banques, etc. Alors, attardons-nous de nouveau un petit peu sur ce public, parce que, quelque part, le code des sociétés le protège beaucoup plus que les autres. En effet, l'administration fiscale est suffisamment forte pour obtenir l'ensemble des informations qu'elle veut de vous, entreprise. D'ailleurs, vous rentrez une déclaration fiscale qui permet de déterminer l'impôt des sociétés, vous rentrez des déclarations de TVA qui permettent de déterminer ce que vous devez payer comme TVA, et puis l'administration a des moyens coercitifs qui peuvent vous contraindre à lui donner les informations qu'elle veut. En revanche, les créanciers, ils n'ont rien. Donc imaginez un fournisseur qui vous a vendu pour 100 000 euros de marchandises ou de services. Donc faites très attention parce qu'on couvre là une notion très importante sur le plan du droit commercial. Si vous avez affaire à un fournisseur, donc de nouveau j'ouvre une parenthèse, vous êtes ici une entreprise et vous avez par exemple vendu pour 100, vous avez acheté pardon, pour 121 000 de biens ou de services à un fournisseur X. Et vous, vous êtes l'entreprise ABC. Et vous êtes une société anonyme, ou une SPRN, ou une société coopérative à responsabilité limitée. Bref, vous êtes une société commerciale à responsabilité limitée. Une SA ou une SPRN, par définition. Eh bien, la raison pour laquelle le législateur a prévu que vous puissiez informer ces créanciers, c'est parce qu'ils prennent des risques très importants. En effet, lorsque vous avez voulu créer une société anonyme ou une SPRL ou une société coopérative à responsabilité limitée, pour maintenir à ces trois formes de société, vous avez par exemple apporté de capitaux en argent ou en nature. Imaginons que vous ayez apporté 100 000 euros de capital. Et ces 100 000 euros, c'est par exemple 100 actions, et pas 100 actions, comme 99% des gens disent, 100 actions de valeur nominale 1000. D'accord ? Donc imaginons qu'un certain nombre de personnes se mettent d'accord pour créer une société au capital de 100 000 euros. Et donc il y a 100 actions. Certains en achètent 2, d'autres en achètent 3, d'autres en achètent 5. Bref, les 100 actions sont souscrites. Quel est l'intérêt que vous avez à souscrire des actions dans cette société? Donc, qu'est-ce qui peut vous pousser à être un actionnaire dans une société? Il y a plusieurs éléments. Essayons de les voir très très rapidement. Il y a évidemment le fait que vous voulez réaliser un projet, lancer un produit, un service pour vous réaliser socialement, financièrement, en attendant des dividendes de votre société. Donc, vous voulez faire des bénéfices et après avoir payé l'impôt, prendre une partie comme rémunération du capital. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Mais votre intérêt à créer cette société, plutôt que d'agir comme indépendant, c'est que vous voulez limiter votre responsabilité à ce que vous apportez. Ça veut dire que si vous avez acheté, par exemple, 10 actions à 1000 euros, quand vous avez apporté 10 000 euros, ou bien vous avez apporté un matériel, parce qu'on peut créer une société avec des apports en espèces ou des apports en nature. Vous pouvez apporter un matériel, il faut qu'il fasse l'objet d'une évaluation et d'un rapport de révision d'entreprise. Donc, bref, vous avez apporté 10 000 euros ou un bien qui vaut 10 000 euros. Eh bien, vous ne risquez de perdre que les 10 000. Votre responsabilité est limitée à la mise que vous faites, à l'apport que vous faites. Ce qui veut dire, puisque votre responsabilité est limitée à ce que vous apportez, cela signifie que ceux qui vous ont prêté prennent des risques considérables. En effet, si la société ABC que vous venez de créer achète des marchandises à des fournisseurs, emploie du personnel, emprunte auprès des banques, et puis tombe en faillite, vous ne perdez en tant qu'actionnaire que ce que vous avez apporté. D'accord ? Ça veut dire, pour que ceci soit un peu plus concret pour vous, imaginons que vous ayez donc apporté 100 000 de capital, et puis, au bout de quelques mois, quelques années, la société a des dettes, par exemple, de 60 000. Que ce soit des dettes auprès des fournisseurs, on les appelle les dettes commerciales. Que ce soit des dettes auprès des banques, on les appelle les dettes financières. Que ce soit des dettes auprès des employés, on les appelle les dettes salariales. Ou auprès de l'ONSS, on les appelle les dettes sociales. Eh bien, si la société que vous avez créée au capital de 100 000 se casse la figure, si elle peut payer les dettes et puis s'éteindre, c'est bon. Il se peut alors que vous ne récupériez qu'une partie de ce que vous avez apporté. Il se peut évidemment que vous ne puissiez pas rembourser toutes les dettes si elles sont plus importantes. La société étant en faillite, elle ne peut pas rembourser toutes ses dettes. Mais en tout cas, vous, actionnaire, vous ne perdez que 100 000 euros. Et vous ne perdrez pas plus. Donc votre responsabilité en tant qu'actionnaire, elle se limite à ce que vous avez apporté. Et donc, les risques pris par les tiers sont importants. Parce que ceux-là, les fournisseurs, les banquiers, ils ont intérêt à examiner vos comptes très régulièrement parce qu'ils ont affaire à des sociétés à responsabilité. Donc si moi je suis le fournisseur d'une entreprise à responsabilité limitée, comme une société anonyme ou une SPRL, ou une société coopérative, j'ai intérêt à examiner les comptes de cette société chaque fois que je peux, et si je vois qu'elle devient insolvable, j'arrêterai de lui vendre. Ou bien je lui demanderai des garanties supplémentaires. Si je continue à lui vendre sans faire attention, si elle tombe en faillite, je risque de ne rien recouvrer des créances que j'ai sur la société. Mais je ne pourrais pas poursuivre les fondateurs, les associés, parce que eux, ils ne sont responsables qu'à concurrence de ce qu'ils ont. Je reviendrai sur ce concept extrêmement important en droit commercial et en code des sociétés vis-à-vis de la compagnie. Ce qui veut dire, et je reviens en arrière, que les créanciers sont probablement parmi les tiers le public le plus protégé par le code des sociétés. En effet, parmi les différents publics, c'est surtout celui-là qui n'a aucun moyen de se défendre, qui ne dispose que des comptes annuels que vous publiez pour être informé. Alors, il y a évidemment d'autres publics que ceux que je viens de voir. Il y a évidemment les clients. Il y a les employés. Il y a les concurrents, il y a les ministères, etc., etc. Donc il y a plusieurs publics. Mais le plus vulnérable, c'est les créanciers. Alors évidemment, il y en a un que je n'ai pas mis volontairement et qui est un public très intéressé par les comptes annuels, mais c'est un public interne, c'est les actionnaires. Donc, vous, en tant que propriétaire de la société, vous possédez les actions dans la société, vous avez donc une envie, chaque année, de vérifier si votre société fait des bénéfices, s'il y a des chances pour que vous ayez un dividende. Mais vous, actionnaire, ben, vous avez des réunions, des assemblées générales pour être informé. Et puis, de toute façon, c'est vous qui allez approuver les comptes avant qu'ils ne soient publiés. Donc, la comptabilité, qui est un autre programme, on l'appelle la comptabilité générale, on l'appelle la comptabilité financière, c'est une comptabilité de reddition des comptes. Ce n'est pas réellement une comptabilité de gestion, c'est une comptabilité de reddition des comptes. C'est-à-dire une comptabilité qui permet de rendre compte, d'informer les tiers sur l'ensemble des informations, sur l'ensemble de la gestion de la société. Alors, peut-être juste un petit élément ici vis-à-vis de ce que je viens de dire. Vous devez donc informer les tiers qui sont nombreux. Vous ne pouvez pas évidemment prévoir une comptabilité pour chacun de ces tiers, parce que ça vous coûterait les yeux de la tête. D'accord ? Vous ne pouvez pas tenir une comptabilité pour l'administration fiscale, une comptabilité pour la TVA, une comptabilité pour les fournisseurs, une comptabilité pour les banquiers. Non. On vous demande de tenir une comptabilité sur base d'une législation comptable et de publier à la fin de chaque année trois comptes annuels que sont le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Où devez-vous publier ces comptes? Eh bien, auprès de la Banque nationale de Belgique. Plus exactement, auprès de la centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. je vais les lui transmettre sous forme de fichier électronique, de manière à ce que la Banque nationale de Belgique les mette très très rapidement à la disposition des tiers, parce que le but, précisément ici, c'est que les comptes que vous publiez puissent être accessibles très très rapidement par l'ensemble des tiers qui s'y intéressent. Et on fera quelques petites démonstrations dès la semaine prochaine. On parle de Caterpillar qui est en train de fermer définitivement. C'est intéressant de voir les comptes de Caterpillar. On y a accès directement puisqu'il s'agit d'une société anonyme. On verra d'ailleurs que Caterpillar continue à faire des bénéfices. Ce n'est pas une faillite. Ce n'est pas parce qu'elle est en mauvaise position financière qu'elle fait. Au contraire, elle fait des bénéfices. Elle décide simplement, sur un niveau worldwide, international, de recentrer ses activités dans telle ou telle partie du globe. Mais les résultats que Caterpillar Belgium fait sont des résultats bénéficiaires. C'est intéressant d'examiner les comptes de cette société. On a parlé également de Bpost qui veut acquérir, qui veut absorber la poste hollandaise. C'est intéressant d'examiner les comptes de Bpost. Ce qui veut dire que dès que vous êtes une société anonyme, le droit privé ou le droit public, avec des capitaux privés et des capitaux publics, ou une SPRL, une société coopérative, vous êtes obligé par la loi de publier vos comptes annuels. Pourquoi ? Parce que vous êtes à responsabilité limitée. Pour que vous compreniez bien ce concept, je dirais que si vous êtes un indépendant ou un commerçant personne physique, personne ne vous oblige à publier quoi que ce soit. Donc, si vous avez quelqu'un de votre famille qui est un indépendant, bien entendu, il doit s'acquitter de ses obligations fiscales, déclaration fiscale, déclaration TVA, mais il n'y a aucune publication de compte parce qu'il est à responsabilité illimitée. C'est-à-dire que si vous lancez une affaire en tant qu'indépendant, donc vous avez par exemple un commerce dans lequel, par exemple, il y a un capital de 100 000. Mais ce n'est pas une société anonyme, une SPRL, une société coopérative. Vous êtes un indépendant, une société de personnes. Eh bien, dans le cas de cet indépendant qui ne publie rien du tout, il a une affaire dans laquelle il n'y a pas une frontière très clair entre son business et son patrimoine privé. Ça veut dire que si il tombe en faillite ou en déconfiture, pour les personnes physiques, on parle de déconfiture plutôt que de faillite. Si ses affaires marchent mal et qu'il arrête, on le poursuivra jusqu'à ce que toutes les dettes qu'il a contractées soient payées. On le poursuivra sur ses biens personnels. Il se peut qu'il vende sa maison, il se peut qu'il vende sa voiture pour payer les dettes qu'il a contractées auprès des fournisseurs, auprès des banquiers, etc. Par contre, si vous êtes une société anonyme, une SPRL, une société coopérative, vous apportez un capital, vous le perdez si jamais ça tourne en vinaigre, mais vous ne perdez que ce que vous avez. Jamais plus. Votre responsabilité est limitée à ce que vous apportez comme capital, que ce soit en numéraire ou en nature. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes le créancier d'une société, vous avez intérêt à vous méfier beaucoup plus que si vous étiez le créancier d'un indépendant. A priori, on penserait le contraire. On se dit, une société, elle a une surface financière plus importante, elle a des capacités de remboursement d'emprunt plus grands, c'est vrai, mais parfois, une société peut se casser la figure, elle ferme, elle provoque énormément de faillites en amont, parce que tous les fournisseurs qui lui ont prêté ou qui lui ont vendu à crédit, ne pouvant récupérer leur mise, tombent en faillite. Donc, il faut faire attention à cet élément de responsabilité. Donc, bilan, compte de résultat et annexe. La BNB, donc, il est mis à la disposition des différents publics très très vite et on fera la démonstration d'accéder aux comptes de toutes ces sociétés. Il faut que ça devienne un réflexe chez vous. Chaque fois qu'il y a une société qui vous intéresse, c'est bien, vous mettez BNB sur Google et puis vous avez centrale de bilan, vous mettez le nom ou le numéro de l'entreprise et vous pouvez consulter les comptes de cette entreprise, quelle qu'elle soit. En fait, lorsque vous demandez les comptes à l'entreprise, la plupart du temps, ils refusent de vous les donner. En réalité, vous pouvez les consulter directement. Il y a le site de la Banque nationale sur lequel vous pouvez consulter et télécharger ces comptes, puisqu'il s'agit de comptes publics. Donc, bilan, compte de résultat et annexe. Alors, avant de voir, je dirais, les différentes catégories d'entreprises, parce qu'en réalité, il y a une modification entre fin 2015 et à partir de 2016. En effet, avant, nous n'avions que les petites et les grandes entreprises. Donc, jusque fin 2015, lorsque vous créez une entreprise de type société anonyme ou SPRL, vous êtes soit une petite, soit une grande entreprise. À partir de janvier 2016, nous avons trois catégories d'entreprises. Les micro-sociétés, les petites et les grandes entreprises. Alors il y a évidemment les critères qui les distinguent. On les verra, on les comprendra, parce que pour l'instant, je commence le cours de comptabilité comme si vous n'en aviez jamais entendu parler. Et donc, on commence à zéro. Et donc, c'est important, petit à petit, de comprendre ces concepts. Qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Qu'est-ce que l'effectif moyen en équivalent temps plein? Qu'est-ce que le bilan? Qu'est-ce que l'actif? Qu'est-ce que le passif? Tous ces termes, je vais les expliquer très très rapidement. Mais donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que désormais, nous allons compter sur trois catégories d'entreprises, les micros, les petites et les grandes. Les critères ont méchamment changé en dehors. Et ce que je voulais simplement vous dire, c'est que lorsque nous n'avions que des petites et des grandes entreprises, on avait 24 000 entreprises de taille grande et 361 000 entreprises de taille petite. Donc 361 000 entre petites entreprises et 24 000 grandes entreprises. À présent qu'il y a cette découpe micro, petite et grande, eh bien en réalité la plupart des entreprises en Belgique sont des micro. C'est 321 000 micro-sociétés, 52 000 petites entreprises et 12 000 grandes entreprises. Parce que les critères ont changé. Il y a plus, on demande plus de chiffres d'affaires, etc. Mais on définira ces éléments un peu plus tard. Alors je reviens en arrière. Donc, je viens simplement de définir en quelque sorte les objectifs. Du coup, donc, comptabilité générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut opposer à la comptabilité générale? On peut lui opposer la comptabilité analytique. Alors, quelle est la différence entre les deux? Donc, la comptabilité générale ou comptabilité financière, et de l'autre côté, la comptabilité analytique. En Belgique, on dit la plupart du temps la comptabilité des coûts. contabilité analytique. Quelle est la différence entre les deux comptabilités? Eh bien, la comptabilité générale ou comptabilité financière, on vient de le spécifier, c'est une comptabilité qui permet de rendre compte. Donc c'est une comptabilité de reddition des comptes, d'information. Tandis que la comptabilité analytique, c'est une comptabilité de gestion. La première, elle vise plus l'extérieur que l'intérieur. En fait, elle vise aussi l'intérieur, mais c'est surtout l'extérieur. Donc on va mettre ici surtout extérieur et aussi intérieur. Tandis que la comptabilité analytique, c'est une comptabilité qui est, elle est confidentielle. Elle n'intéresse, elle n'est transmise qu'au gestionnaire de l'entreprise. Alors, en quoi consistent les deux comptabilités? La première, on l'a dit, c'est une comptabilité d'information. Donc, elle permet de sortir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour informer les tiers. Tandis que la comptabilité analytique, entre autres, elle vise à calculer le prix de revient. Des services ou des biens que vous distribuez. En fait, si on appelle l'une comptabilité générale et l'autre comptabilité analytique, c'est pour une raison précise. La comptabilité générale informe les tiers sur toute l'entreprise. Tandis que la comptabilité analytique, elle va donner le coût de chaque bien, de chaque service que vous vendez. Je m'explique. Si par exemple, vous dirigez une entreprise qui distribue des PC, des projecteurs, des TV et éventuellement des imprimantes, vous allez avoir 4 produits que vous distribuez par exemple sur 3 marchés. Eh bien, en comptabilité générale, vous allez avoir le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes que vous réalisez sur l'ensemble de l'entreprise. Vous allez avoir les approvisionnements que vous faites pour l'ensemble de l'entreprise. Vous allez avoir les charges salariales de toute entreprise. Tandis qu'en comptabilité analytique, si vous vendez 4 produits sur 3 marchés, vous devez connaître le prix de revient de chaque produit sur chaque marché. Est-ce que le bénéfice que je fais sur les imprimantes est réel? Pour ça, il faut que je connaisse le coût, le prix de revient des imprimantes, il faut que je connaisse le prix de revient des PC, il faut que je connaisse le prix de revient des TV, parce que si je ne connais pas le coût de chacun des produits sur chacun des marchés, je risque de continuer à vendre des produits sur lesquels je perds de l'argent. Et j'aurai une espèce de subsidiation croisée, c'est-à-dire un produit qui est bénéficiaire fait vivre un produit qui est déficitaire. J'ai intérêt, de manière analytique, à connaître le coût de chacun des services ou des biens que je vends. Et c'est la raison pour laquelle cette comptabilité analytique, qui est la véritable comptabilité de gestion, est confidentielle. Elle n'est faite que par la direction, pour la direction. Il n'y a aucune publication qui en est faite. En revanche, la comptabilité générale, vous la faites parce que vous devez informer les tiers avec les 3 comptes annuels. Pourquoi vous les informez? Parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils doivent savoir où vous en êtes, et donc ils ont besoin de la comptabilité générale. Donc, l'une vise les différents publics externes et un peu interne, l'autre est une comptabilité, je dirais, qui est surtout interne. Alors, en termes de publication, et puis j'arrêterai là la comparaison, eh bien, la publication. l'application ici, elle est annuelle. À la fin de chaque exercice comptable, vous devez informer les tiers de vos résultats globaux. Mais vous ne devez pas du tout dire voilà ce que je réalise au niveau de mes ordinateurs, voilà ce que je réalise au niveau des imprimantes. Elle est globale, elle est générale. Tandis que cette comptabilité ici, elle n'a aucune publication. Vous n'informez personne à l'extérieur de l'entreprise de vos prix de revient. Mais vous avez intérêt à connaître les prix de revient, sinon comment voulez-vous déterminer les prix de vente en laissant une marge qui couvre l'ensemble de vos frais. Donc, je viens juste de déterminer la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Alors celle-ci, elle va venir après, dans d'autres cours, mais c'est elle qui permet de gérer l'entreprise. Elle n'est pas obligatoire. Personne ne vous oblige à avoir une comptabilité analytique. Mais si vous êtes une grande entreprise avec plusieurs produits distribués sur plusieurs marchés avec des concurrents, si vous n'avez pas une comptabilité analytique, vous risquez de vous casser la figure sans savoir comment vous êtes cassé la figure. Par contre, la comptabilité générale, elle est obligatoire. Donc, ça, c'est les objectifs du cours. Alors, le plan du cours, eh bien, on va commencer aujourd'hui même par le bilan. Ensuite, le compte de résultat. Ensuite, l'enregistrement des opérations. J'expliquerai la logique de ce plan juste après. Enregistrement des opérations. Donc, bilan d'abord, compte de résultat ensuite, enregistrement des opérations dans les livres de la comptabilité. Dans le grand livre et dans le journal. Donc, dans le grand livre et dans le livre journal. Alors, évidemment, 99% des comptabilités sont informatisées, mais on ne va pas tenir une comptabilité informatisée. On va faire comme si on la tenait à la main. C'est le seul moyen de comprendre les mécanismes de la comptabilité. Et ensuite, si vous avez un logiciel devant vous, vous pourrez très très facilement le comprendre. Si par contre on étudie la comptabilité telle qu'elle est informatisée, on risquerait de ne jamais comprendre les mécanismes, parce que vous allez juste voir bêtement comment fonctionne le logiciel. Donc, enregistrement dans le grand livre, dans le journal, avec le PCMM, avec le plan comptable, PCMM, plan comptable minimum normalisé. Donc, c'est le plan comptable prévu par le législateur, et qui est approprié par une entreprise à la nature et à l'étendue de leur activité. On l'appelle plan comptable minimum normalisé, PCMM. On utilisera la TVA. Et puis, il y a une dernière petite partie, en réalité c'est une grande partie, mais on ne va couvrir qu'une petite partie dans ce premier cours, c'est l'inventaire. Et les travaux de clôture. Inventaire et les travaux de clôture. Et on verra surtout l'amortissement des actifs immobilisés et les réductions de valeur. Donc, le quatrième chapitre et dernier chapitre, c'est l'inventaire et les travaux de clôture. C'est ce que vous faites à la fin de l'année, préalablement à l'élaboration des comptes annuels que vous allez publier. Et les travaux de clôture, c'est principalement l'amortissement des actifs immobilisés et les réductions de valeur. Alors, donc on va s'en tenir à ces quatre chapitres et la suite viendra bien entendu des cours que vous aurez par après. Alors, quelle est la logique de ce plan? On va la voir directement ici. Regardez bien. Toutes les comptabilités qui se respectent, que ce soit des comptabilités d'entreprise ou même des comptabilités des communes, des CPS, des provinces, en ce moment, il y a la comptabilité de l'État fédéral et des entités fédérées. Ce qui veut dire que même dans le secteur public, qui se gère avec une comptabilité budgétaire, il devient obligatoire d'avoir une comptabilité générale comme celle que nous étudions. Et donc, la plupart des entités du secteur public ont deux comptabilités, la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Mais chaque fois qu'il y a une comptabilité générale, la démarche est la suivante. On part des pièces comptables, des pièces justificatives, et on fait un double enregistrement dans le livre journal et dans le grand livre. Donc ce que l'on appelle les pièces justificatives, c'est les factures. C'est des extraits de compte. C'est les avertissements extraits de rôle, etc. Donc chaque fois que vous recevez une facture d'un fournisseur, chaque fois que vous envoyez une facture à un client, chaque fois que vous recevez un extrait de compte, ces pièces, vous les rangez dans un facturier d'entrée ou un facturier de sortie et vous devez les conserver pendant au moins 7 ans. Parce que si une administration, comme l'administration fiscale, vient vérifier chez vous, il faut qu'elle vérifie votre comptabilité qui s'appuie sur des pièces justificatives. Pour prendre un exemple, vous avez écrit dans vos livres que vous avez acheté un PC à 1000 euros plus TVA. L'administration qui vous contrôle va vous dire, vous avez passé une écriture convenable, montrez-nous la facture de l'achat du PC. C'est la pièce justificative. Si vous n'avez pas la pièce justificative, votre écriture ne vaut rien. Et puis l'administration peut vous poser une question encore plus vicieuse. Où est l'ordinateur? Il s'agit de voir si vous en avez fait un usage professionnel ou si vous avez acheté un ordinateur qui n'est plus en usage dans l'entreprise. Et donc, les pièces justificatives, vous devez les conserver parce qu'une comptabilité qui ne s'appuie pas sur des pièces justificatives n'a aucune valeur. Donc, les pièces justificatives font l'objet d'un enregistrement. D'abord, au journal, c'est l'enregistrement chronologique. Et puis, une deuxième fois, dans le grand livre, c'est un enregistrement systématique. Et je sais que j'utilise des termes dont nous ne connaissons pas encore le sens pour l'instant. Donc, il y a deux livres, le livre journal et le grand livre. Votre logiciel, où vous, manuellement, vous enregistrez l'achat du PC une fois dans le tournage, une deuxième fois dans le monde. Donc, chaque fois que vous avez une pièce, elle doit faire l'objet d'un enregistrement. Et c'est ce que vous faites pendant un exercice de 12 mois. On l'appelle un exercice comptable. Et la plupart du temps, il coïncide avec l'année civile, mais pas nécessairement. En effet, vous êtes obligé donc d'avoir un exercice comptable de 12 mois. Beaucoup d'entreprises ont un exercice qui a commencé le 1er janvier 2016 et qui s'est terminé le 31 décembre 2016. Puis, il y a un mois et quelques jours, on a commencé un nouvel exercice, mais ça n'est en aucun cas une obligation pour les entreprises privées. Une entreprise privée doit avoir un exercice de 12 mois qui va, par exemple, du 1er juillet au 30 juin. L'essentiel, c'est qu'il est 12 mois et il coïncide ou non avec la décennie. En revanche, dans le secteur public, lorsqu'il y a une comptabilité générale, l'exercice est automatiquement un exercice qui coïncide avec l'année civile. Mais pour une entreprise, pas du tout. Donc, si vous regardez les entreprises qui vous entourent, ben, il se peut que l'exercice soit à cheval sur deux années civiles. Il se peut même que lorsque vous créez une entreprise, par exemple, vous avez créé une entreprise le 1er octobre 2016, eh bien, il se peut que votre premier exercice ne comporte que 3 mois, octobre, novembre, décembre, de manière à vous aligner sur l'année civile et vous commencez à partir du 1er janvier 2017. Donc pour la première année, parfois l'exercice, il fait moins de 12 mois, il peut aussi faire plus que 12 mois. Il vous est possible de faire un exercice de 15 mois, par exemple les 3 premiers mois plus les 12 suivants, pour un premier exercice, et ensuite vous alignez sur un exercice de 12 mois. Donc ça, c'est l'enregistrement que vous faites en interne ou en externe. Je veux dire par là que vous avez un comptable interne à l'entreprise, alors il tient votre comptabilité, mais parfois, si vous êtes une petite entreprise, le comptable se trouve à l'extérieur, ça veut dire que vous ramassez les pièces et régulièrement, vous allez les remettre à la fiduciaire parce que l'entreprise qui tient des comptabilités, on l'appelle une fiduciaire. Parmi les comptables, en Belgique, vous avez 2 catégories. Il y a l'expert comptable. Membre de l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. Et puis vous avez les comptables professionnels qui font partie de l'Institut professionnel des comptables. Donc, quand on tient une comptabilité en Belgique, on est membre de l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. Experts comptables, seul cela peut porter le titre d'expert comptable, ou alors vous êtes comptable, simplement comptable, et pas expert comptable, membre de l'Institut professionnel des comptables. Donc ce sont eux qui tiennent les comptabilités et les fiscalités. Alors, donc je viens de voir avec vous que vous devez enregistrer vos opérations dans les livres à la fin, ben, je dirais régulièrement. En fait, la loi dit au jour le jour, sans délai ni retard, sans blanc ni raté. Et puis, on le sait, à la fin de l'exercice, vous êtes obligé d'informer les tiers, de publier vos comptes et d'informer les tiers. Comment allez-vous les informer? En publiant près de la Banque nationale le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Nous sommes d'accord. L'élaboration des comptes annuels se fait sur base de la comptabilité que vous avez tenue dans les livres de la comptabilité. Mais il y a un intermédiaire qui nous manque. En effet, regardez bien, et vous allez comprendre la nécessité de l'étape intermédiaire que je vais créer entre les deux et qui correspond au 4e chapitre de notre cours. En effet, imaginons, donc nous tenons la comptabilité de l'exercice 2016 et nous avons acheté, par exemple, du du matériel roulant pour 100 000 euros et du matériel du bureau pour 10 000 euros. Par exemple, juste ces deux exemples simples. Nous les avons achetés au cours de l'exercice 2016. Il est évident que dans la comptabilité tenue dans le Libre Journal et dans le Grand Livre, j'ai mes camions et mes voitures achetées à 100 000 et mes ordinateurs achetés à 10 000. Je ne peux pas les faire apparaître au bilan à leur valeur d'acquisition. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que si vous achetez un PC, il se déprécie avec le temps et avec l'usage. Si vous achetez un véhicule, il se déprécie avec le temps et avec l'usage. Donc imaginons que le matériel roulant soit, par exemple, des camions ou des véhicules. Eh bien, à la fin de la première année, ce matériel roulant est amorti. Il a perdu, par exemple, 20% de sa valeur. Donc il ne vaut plus que 80 000. Et la perte, 20 000, elle va dans le compte de l'eau. D'accord. Mes véhicules, je les ai achetés à 100 000 au cours de l'exercice 2016, par exemple en janvier 2016, mais au 31/12/2016, je ne peux pas continuer à les faire apparaître pour 100 000. Ils ont déjà perdu 20% de leur valeur. Ils ont déjà perdu un cinquième de leur valeur. Quant aux ordinateurs, je les ai achetés pour 10 000. À la fin de la première année, ils ont déjà perdu, par exemple, un quart de leur valeur. Donc, ils ne valent plus que 7 500. Matériel de bureau, 7 500. Et ce que j'ai perdu, c'est-à-dire 2 500, va dans le compte de l'autre. Eh bien, avec ces deux exemples simples, je vous ai simplement montré que lorsque vous avez des biens qui se déprécient avec l'usage ou avec le temps, il faut, pour pouvoir les présenter dans les comptes qui vont informer les tiers, il faut les ramener à la valeur la plus proche de la réalité. Et donc, si vous avez acheté des véhicules, si vous avez acheté des PC, ils se déprécient avec le temps. Il faut les amortir. Donc, l'amortissement, c'est un travail de fin d'exercice. Alors, si vous avez des bâtiments, ils perdent aussi de leur valeur. Si vous avez des machines, des installations, de l'outillage, ils perdent de leur valeur. Ce n'est que si vous avez des terrains, qu'ils ne perdent pas de leur valeur avec le temps. Un terrain ne s'use pas. Si on rase du jonçon, le terrain est une assiette qui va servir à autre chose. Par contre, ce bâtiment, il est amorti depuis belle durée. Donc, l'amortissement, c'est l'enregistrement de la dépréciation avec le temps. Alors, un deuxième exemple. Donc, je suis en train d'expliquer dans mon plan. Je suis en train d'expliquer l'amortissement. Je vais maintenant expliquer les réductions de valeur. Mais quelque part, le bilan, le compte de résultat et l'enregistrement d'une opération, dans les côtés. Sauf que, il ne se présente pas dans cet ordre, plus exactement dans la procédure comptable. L'enregistrement, il est là. La confection du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, elle est là. En réalité, dans mon plan, j'ai inversé la procédure parce que pédagogiquement, on ne peut pas commencer par le livre journal et le grand livre. Donc pédagogiquement, j'ai voulu commencer comme ceci. Je fais d'abord le bilan et le compte de résultat parce que Quand on commence par comprendre le bilan et le compte de résultat, c'est très facile de comprendre ensuite 3, 1 et 3, 2. Quand on a compris le bilan et le compte de résultat, c'est un jeu d'enfant de comprendre ensuite l'enregistrement des opérations. Une fois que vous avez compris les deux, c'est très facile de comprendre la troisième, la quatrième partie qui est celle-là, c'est-à-dire l'enregistrement, enfin les travaux de fin d'exercice. Inventaire et travaux de clôture. Donc, nous avons commencé, on commence par le bilan et le compte de résultat. Ensuite, on fait l'enregistrement dans les livres comptables. Et ensuite, on revient aux travaux de clôture avec l'inventaire. Alors, j'étais juste en train d'expliquer, dans les travaux de clôture, on a expliqué l'amortissement. Je vais expliquer maintenant les réductions de valeur très brièvement. Donc, les réductions de valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Je reviens à mon schéma. Imaginons qu'au cours de l'exercice 2016, vous ayez vendu pour 100 000 euros à un client. Donc vous avez fait des ventes pour 100 000 plus TVA. Donc vous avez une créance de 121. Alors écoutez bien. On va faire une pause dans 2 minutes. Donc essayons juste de faire le coup de ceci. Donc vous avez par exemple vendu pour 100 000 plus TVA à un client Y au mois de mars 2016. Et le client Y est une société anonyme. Vous lui avez envoyé des rappels, vous lui avez compté des intérêts de retard, et il ne vous a toujours rien payé. Et vous avez même l'impression qu'il risque de ne jamais rien vous payer, ou en tout cas pas la totalité de votre créance sur lui, ou de sa dette vis-à-vis de lui. Donc, s'il n'y avait pas une étape intermédiaire, le risque de faire apparaître la créance ici pour 121 000. Or, elle ne vaut plus 121 000. Si l'entreprise sur laquelle vous avez la créance est en train de tomber en faillite, il est très vraisemblable que vous n'allez pas récupérer, que vous n'allez pas recouvrer la créance de 121 000. Donc, à la fin de l'exercice, probablement qu'on va considérer que cette créance de 121 000, elle vaut zéro. Et donc que la perte, elle est de 100 000, sachant qu'on va récupérer la TVA. Donc ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que lorsque vous avez tenu une comptabilité pendant l'année, vous ne pouvez pas simplement systématiquement sortir un bilan et un compte de résultat. Il faut une étape intermédiaire qui permet de corriger, de centraliser, de vérifier. Et par exemple, vous voyez bien, avec l'exemple du matériel roulant et du matériel du bureau, voilà deux actifs qui finalement ont perdu de leur valeur à la fin de l'année. Et si vous avez une créance sur une entreprise, eh bien, si cette entreprise tombe en faillite, vous n'allez pas faire apparaître la créance au bilan de 121 000, alors que ce client, il ne va rien vous rembourser puisqu'il est à responsabilité du client. Et c'est la raison pour laquelle, avant de faire le bilan et le compte de résultat, il est indispensable de faire intervenir cette étape de clôture. Donc en fait, en comptabilité des entreprises, il y a 3 étapes. Il y a l'étape d'enregistrement des opérations en cours d'année. Donc, il y a quelqu'un derrière un PC qui, sur base de deux justificatifs, encode les entrées, les sorties, les mouvements financiers dans le journal et dans le grand livre. C'est le. On appelle ça la tenue des comptes, on appelle ça le bookkeeping. Donc c'est l'enregistrement, le bookkeeping, c'est l'enregistrement, la saisie des comptes dans votre logiciel. La deuxième partie, à la fin de l'année, c'est la vérification de tout ce qui a changé, de tout ce qui doit être centralisé. Et lorsque vous avez fait cette centralisation, cet inventaire, ces corrections, alors c'est un jeu d'enfant de confectionner les comptes annuels que vous allez publier auprès de la Banque nationale pour informer les tiers, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Bilan, compte de résultat et l'annexe. Alors, un dernier point, et puis on fait la pause. Après le plan, donc après le plan, il y a le matériel pédagogique. Alors le matériel pédagogique, c'est simple, si ceci s'annule. Enfin, je vais le dire, probablement que j'avais pas du temps avant de saluer. Donc, pour le matériel pédagogique, il y a un petit dépliant qui s'appelle le PCMM, qui est au Prince universitaire de Bruxelles, donc au bout de l'avenue Paul Léger. C'est un petit dépliant. C'est celui-ci. Normalement, c'est le dépliant du 16, c'est le tout dernier. Alors, dans ce dépliant, j'ai mis les comptes des entreprises et les comptes des ASBL. Parce que il y a un certain nombre d'étudiants de sciences sociales, de journalisme, qui sont davantage attirés par les associations. Donc, on va étudier un peu la comptabilité des associations. Donc, dans ce dépliant, il y a les comptes annuels. Je vous demande évidemment de l'acheter. Je ne sais pas combien ils le vendent. En tout cas, c'est au prix de revient qu'ils le vendent. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, bien entendu. Je pense qu'ils doivent le vendre 2 euros ou 3 euros, je ne sais pas exactement. Et alors, il y a un ouvrage, donc à côté du PCMM. Il y a un ouvrage qui s'appelle Comptabilité et gestion. Alors, c'est un bouquin que j'ai écrit et la raison pour laquelle je vous en parle, parce que normalement, c'est toujours délicat de pousser les gens à acheter un bouquin. D'abord, l'achète qui veut, mais surtout, c'est pour vous dire que il n'y a pas de bénéfice, c'est-à-dire que les presses universitaires le vendent, je pense, à 28 euros et son prix est de 50 euros. Mais il n'est vendu comme presse universitaire, à un prix convenu pour nos étudiants. Et à côté de cela, il y a bien entendu les slides qu'on vous remettra tout à fait gratuitement. Alors, en termes d'évaluation, il y a deux interrogations et un examen. Donc, pour l'évaluation, il va y avoir deux interrogations. date de ces deux interrogations sont déjà définies, je vous les donnerai juste après la pause, et puis il y a un examen. Alors les interrogations, ce sont toutes des interrogations en QCM. On les fait généralement en 20 minutes à 30 minutes. Et puis un examen de 3 heures dans lequel il y a de la théorie. Il va y avoir encore un QCM et un exercice. En réalité, je limite la partie QCM parce que je n'aime pas beaucoup. Pense qu'elle est relativement défavorable aux étudiants, donc la plupart du temps, nos examens se font avec des questions ouvertes et un exercice. Alors attention, les assistants font attention à la première, à la deuxième. Donc la première est pondérée d'une certaine manière, la deuxième est pondérée d'une autre manière, et l'examen est pondéré, bien entendu, en tenant compte de la première et de la deuxième. Je vous donnerai si vous êtes prêts, bien entendu, par là. Voilà, on fait une pause et on reprend avec la matière grecque. Sont mieux préparés pour l'examen. C'est la raison pour laquelle on les maintient, mais si on les supprimait, ça allégerait, je dirais, très sensiblement le travail des assistants et mon travail. Voilà. Mais donc, c'est fait dans un but aussi pour que vous accumuliez des points et pas pour vous embêter, même si vous considérez que c'est un peu une corvée à votre âge de devoir vous partir des interrogations, mais voilà, on estime pour ce seul cours qu'il faut les maintenir. Donc, je reviens au plan pour qu'on se mette bien d'accord. La procédure comptable, que ce soit dans une entreprise ou dans une administration qui tient une comptabilité, se fait dans cet ordre. Donc, d'abord l'enregistrement de l'opération, pendant un exercice de 12 mois, ensuite l'inventaire des travaux de clôture à la fin de l'année, et puis l'élaboration des comptes annuels qui vont informer les tiers à travers la Banque nationale de l'État. Mais pédagogiquement, je ne vais pas commencer par le commencement. Pédagogiquement, on va commencer par la fin. Parce que lorsque vous avez compris le bilan et le compte de résultat, c'est très facile d'aborder l'enregistrement des opérations et ensuite, ça sera facile de faire les travaux du contrôle. Donc on va commencer par le bilan, le compte de résultat, et ensuite on fait l'enregistrement des opérations. Comme ça, c'est tout à fait clair. Alors, vis-à-vis, il y a quelqu'un qui m'a posé une question de la TVA, c'est vrai que j'étais passé rapidement, mais c'est parce que je ne sais qu'un premier concept. Je vais très très vite revenir là-dessus, et puis on commence avec le bilan et le compte de résultat. Donc, ce que je voulais montrer tout à l'heure avec la TVA, je reprends mon exemple. Vous êtes donc assujetti en tant qu'entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui choisissez d'être assujetti ou pas. C'est en fonction de votre activité commerciale que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas. Donc, si vous êtes assujetti à la TVA, ça veut dire que la TVA sur les ventes à vos clients doit faire objet d'une TVA qui doit être rétrocédée à l'administration. Et la TVA sur les achats à vos fournisseurs vous permet de récupérer la TVA sur les achats. Donc l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, c'est que si vous achetez par exemple pour 100 000 plus 21 000 de TVA, vous allez payer en tant qu'entreprise 121 000 à votre fournisseur, selon le délai qu'il a convenu avec vous, mais à la prochaine déclaration, vous aurez le droit de récupérer auprès de l'administration 21 000 à récupérer. Non pas auprès du fournisseur, mais auprès de l'administration. Et si, c'est l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure, vous revendez ces marchandises ou d'autres marchandises pour 300 000 plus 21 000, c'est-à-dire 63 000 de TVA, ce qui vous donne une créance de 363 000 en tout, eh bien, la TVA sur les ventes doit être reversée à l'administration. Elle ne vous appartient pas. Vous ne faites que l'encaisser au profit de l'administration. Mais l'administration n'attendra pas que vous l'ayez encaissé. Parce que si vous êtes, par exemple, en train de clôturer le mois de janvier 2017, eh bien, pour le 20 février, vous devez en fait dire dans votre déclaration de TVA, j'ai fait des ventes de 300 000 à du 21%, et ça me donne 63 000 que je dois verser à l'administration. J'ai fait des achats pour 100 000 à du 21%, parce qu'il se peut que vous ayez un taux de TVA de 6%, mais le taux de TVA normal, il est de 21%, et j'ai 21%. Et votre déclaration de TVA va consister à verser à l'administration 42 000. Et c'est quoi les 42 000? C'est ce que je n'avais pas dit tout à l'heure. Eh bien, 42 000, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ça veut dire que, ayant acheté 100 000, ayant vendu à 300 000, vous avez créé une valeur ajoutée de 200 000. Eh bien, 21% de 200 000, ça nous donne une fois 42 000. C'est ce que vous payez à l'administration de la TVA. Ça veut dire en fait que c'est une taxe sur la valeur. Et vous pouvez multiplier, je dirais, ces intermédiaires autant que vous voulez. Chaque fois qu'une entreprise achète, elle récupère la TVA en amont et elle la verse sur les ventes qu'elle fait en aval. Jusqu'à ce que l'on arrive à un client, comme vous et moi, qui ne récupère pas la TVA et qui doit la payer. Et qui, bien entendu, je dirais, achète le prix TVA comprise. Parce que, effectivement, c'est par exemple ici, c'est un client privé. Ben, il achète à 363 000 et il ne récupère pas 63 000 parce qu'il n'est pas assujetti. Mais si c'est une entreprise assujettie, elle a le droit de récupérer la TVA sur les entrées. En revanche, la TVA sur les sorties ne lui appartient pas. Et le calcul de la TVA qui est fait mensuellement ou trimestriellement, c'est la différence entre la TVA sur les sorties et la TVA sur les entrées. Alors, on verra, lorsqu'on avancera un peu plus dans la matière, qu'il y a certains achats pour lesquels on ne récupère pas la totalité de la TVA. Par exemple, si vous achetez une voiture, donc une bagnole, la TVA sur le prix d'achat, vous ne la récupérez qu'à concurrence de 50%. Donc, si vous achetez une très belle voiture à 100 000 euros, eh bien, vous n'allez récupérer que 10 500 parce que on considère, l'administration de la TVA considère que sur les véhicules de tourisme qui servent à transporter des personnes en semaine, le soir, le week-end, pendant les vacances, il y a un certain nombre d'avantages qui profitent aux personnes et dès lors, elles limitent la récupération de la TVA à 50%. En revanche, si c'est un véhicule utilitaire que vous achetez, si c'est un camion, vous pouvez récupérer la totalité de la TVA. Donc il y a certains biens, comme les véhicules, sur lesquels vous ne récupérez pas 100% de la TVA. Mais c'est rare. La plupart du temps, vous récupérez la TVA sur les entrées et vous devez la reverser à l'administration sur les sorties. Alors, on va commencer la matière, donc avec le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Surtout le bilan est prendre. Allons-y. Donc je commence la matière comme si, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme si vous n'en aviez jamais entendu parler. Et vous ne devez absolument avoir aucun vocal. Le fait que vous ne soyez pas familier avec les mathématiques, etc., ne devrait absolument poser aucun problème. Bon, je vais dire ça tout à l'heure. Le fait que vous n'aimiez pas les mathématiques ou les calculs ne doit absolument pas vous poser le moindre problème. C'est une affaire de concentration. Et si vous vous concentrez, je vous garantis que vous allez comprendre la matière sans aucune difficulté. Alors évidemment, comme je vous ai dit, vous en aurez besoin si vous faites de la gestion, vous en aurez besoin si vous faites de la fiscalité, vous en aurez besoin si vous devenez un avocat d'affaires, parce que en ce moment, moi je vois que la régie des bâtiments, les avocats avec lesquels je travaille, eh bien, il faut qu'ils lisent les comptes annuels, il faut qu'ils comprennent les comptes des entreprises. Et un avocat d'affaires qui ne sait pas lire les comptes annuels d'une entreprise, eh bien, je pense qu'il a un certain nombre de problèmes. D'où la nécessité pour un certain nombre d'étudiants de la faculté de droit de comprendre absolument cette matière. En réalité, et je n'irai pas plus loin dans cette introduction, la comptabilité est très liée au droit des sociétés. D'ailleurs, le code des sociétés couvre une partie de la comptabilité. Elle est liée à la fiscalité. Je défie n'importe quel contrôleur fiscal de faire convenablement son travail s'il ne connaît pas la comptabilité. Ou en tout cas, s'il ne connaît pas la comptabilité et qu'il fait la fiscalité, il est démuni devant un quelconque raisonnement comptable. Et bien entendu, pour la gestion des entreprises de manière générale, c'est-à-dire tout ce qui est finance, contrôle, c'est indispensable de tenir la comptabilité. Donc, en réalité, et c'est là où je voulais en venir, vous n'étudiez pas la comptabilité pour devenir comptable, même si vous pouvez devenir un jour professionnel du chiffre et devenir expert comptable ou directeur d'entreprise. C'est une matière qui est là parce qu'elle est utile à d'autres matières. Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes, mais il y a également un langage, parce qu'il faut pouvoir dialoguer avec un réviseur d'entreprise, avec un expert comptable, avec un banquier, avec un administrateur, avec un associé. Et donc, quand on est dans des entreprises, il y a un langage des affaires hacké. Allons-y. Donc, étude du bilan, dans le premier chapitre de notre programme, qu'est-ce qu'un bilan ? Eh bien, le bilan, c'est un document qui renseigne sur le patrimoine. Quand on parle de comptabilité patrimoniale, c'est qu'il y a inévitablement un bilan. Qu'est-ce qu'un bilan ? Eh bien, un bilan, c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Donc, en fait, vous avez le patrimoine, par exemple, du Caterpillar au 31/12/2016. Eh bien, la photo de ce patrimoine, on l'appelle le bilan. Donc, il s'agisse d'une entreprise qui emploie 10 000 personnes ou une entreprise qui emploie 5 personnes, le bilan se présente de la même manière. Il est structuré de la même manière. Comment se présente-t-il ? Eh bien, c'est un tableau avec deux parties. Il y a une partie droite qui renseigne sur l'origine des ressources, une partie gauche qui renseigne sur l'utilisation ou l'emploi des ressources. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous mettez ensemble pour créer une entreprise au capital de 100 000 euros, eh bien, nous devons indiquer le capital souscrit à droite et on met 100 000. Le jour du passage devant notaire, parce que si vous créez une société anonyme ou une SPRL, vous ne pouvez pas simplement faire un acte sous seing privé, vous devez faire un acte authentique devant notaire. Et cet acte doit être publié au Moniteur belge, au journal officiel, aux annexes du Moniteur. Eh bien, vous devez passer devant un notaire, parce qu'on ne va pas vous autoriser à créer une société anonyme, une SPRL, en faisant simplement les statuts vous-même, que vous publiez ou que vous ne publiez pas. Il faut qu'il y ait un acte notarié, parce que vous allez créer une société dans laquelle votre responsabilité est limitée et dans laquelle les risques pris par les tiers sont importants. Vous voyez, je reviens toujours à ce concept de droit commercial. Donc, quand vous créez une société, il faut qu'elle soit connue de tout le monde. Il faut donc que les statuts soient rédigés par un notaire et qu'ils soient publiés aux annexes du Moniteur. Comme ça, c'est un acte officiel. Eh bien, le jour du passage devant notaire, si vous créez une société au capital de 100 000 euros, on peut considérer que ces 100 000 sont sur un compte à vue que vous avez ouvert auprès d'une institution financière. Eh bien, on peut dire qu'il y a déjà un bilan. Parce que nous avons à droite l'origine des ressources, c'est le capital que vous avez apporté en tant qu'actionnaire, et nous avons à gauche ce qui a été fait avec ce capital, c'est-à-dire c'est déposé sur un compte à vue. Actif ou partie gauche égale partie droite. D'accord ? Je modifie un peu mon exemple. Imaginons que le premier jour, vous achetiez un PC pour 1000 euros. Et ces 1000 euros, vous les prélevez sur le compte à vue. Le PC, c'est une utilisation. Donc je vais mettre ici matériel de bureau. 1000. Mais ici, je n'ai plus que 99 000. De nouveau, égalité entre la partie gauche et la partie droite. Imaginons maintenant que la société contracte encore un emprunt, mettons de 20 000. Par exemple, l'argent du capital, vous voulez le consacrer à l'achat des fournitures, au paiement du personnel, et vous préférez emprunter pour financer un investissement. Eh bien, si vous avez emprunté 20 000 auprès des banques, on va mettre la dette à droite, parce que c'est à droite du bilan qu'on indique d'où vient les ressources. Donc les dettes seront un compte de passif, de droite, 20 000. Et il faudra qu'on dise ce qu'on a fait avec ces 20 000. Imaginons que ces 20 000 soient déposés sur un compte à vue. Eh bien, on va les mettre ici, plus 20 000, etc. Donc, la partie droite indique l'origine des ressources et la partie gauche indique ce qui a été fait avec ces ressources. Et vous aurez toujours égalité entre la partie gauche et la partie droite. Comptablement, on appelle le passif la partie qui explique l'origine des ressources et on appelle l'actif la partie qui explique l'utilisation des ressources. Donc, à droite, au passif, il y a ce qui a été apporté par les actionnaires. On appelle cela les capitaux propres ou les fonds propres. Et puis, il y a les capitaux qui ont été empruntés. Il faut les rembourser, ils n'appartiennent pas à la société. Donc, il y a les fonds propres et les fonds étrangers. Ça, c'est le passif du bilan. Et à l'actif, il y a ce que vous en avez fait. D'accord ? Donc, qu'on prenne le bilan d'une petite ou d'une grande entreprise, vous aurez toujours un bilan avec un certain nombre d'actifs et un certain nombre de passifs. Il y a égalité entre l'actif et le passif. Alors attention, il ne faut pas que le mot passif ou le mot actif vous induise en erreur, parce que dans le langage habituel, parfois, on considère que ce que vous mettez au passif est mauvais. En comptabilité, de manière internationale, j'ai oublié de le dire, ce qu'on étudie ici comme comptabilité financière, c'est quelque chose qui est tout à fait d'application dans tous les pays européens. Et si vous comprenez la comptabilité de ce cours, vous allez parfaitement être à l'aise si vous avez un bilan français, grec, allemand, espagnol devant vous. Les directives européennes ont été transposées et il s'agit de mécanismes internationaux. C'est vrai que le droit des sociétés, c'est vrai que la fiscalité dépend de pays à pays, mais globalement, les mécanismes techniques de la comptabilité, ils sont internationaux. D'accord ? Donc on n'étudie pas la comptabilité belge, on étudie la comptabilité financière des entreprises. Donc, origine des ressources, utilisation des ressources. Donc, on vient de voir que le passif explique l'origine des ressources et l'actif explique l'emploi des ressources. Et l'égalité est permanente à chaque instant. Alors pour voir si vous avez déjà compris, parce que bien que ce soit un cours de théorie, comme il y a des travaux pratiques pour certaines sections, je m'efforce de mettre un maximum d'applications, un maximum d'exemples chiffrés, pour que la compréhension se fasse sur place. À cet égard, comme il y a les slides, comme il y a le bouquin, comme il y a le PCMN, essayez surtout de comprendre, même si vous n'avez pas pris les notes Ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est de prendre des notes sans avoir compris. Il faut que vous compreniez au fur et à mesure. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, bien, il faut m'en parler de manière à ce que je revienne là-dessus, parce que vous devez comprendre au fur et à mesure. Eh bien, allons-y. Je vous donne une description du patrimoine et je vous demande d'en faire un bilan. Alors, le mécanisme ou le réflexe à avoir, quand vous voyez des immeubles, des véhicules, des dettes, c'est de dire ce compte c'est un compte de passif, ce compte c'est un compte de l'actif. Comment vais-je faire pour élaborer un bilan? Alors, immeuble, c'est un compte de l'actif, c'est un emploi, c'est une utilisation de ressources, c'est un actif. Véhicule, c'est un actif aussi. Avoir en banque, c'est un actif aussi. Et les dettes, c'est un passif. Donc, chaque fois qu'un élément évoque l'origine d'une ressource, il faut le classer en passif. Et chaque fois qu'il explique l'emploi d'une ressource, il faut le mettre à l'actif. Alors, quel est le bilan sur base de ce premier petit exercice? Eh bien, en fait, je vais tracer un axe vertical, voilà, et je vais mettre à gauche les actifs. Donc, j'ai des immeubles pour 5 millions, véhicules pour 750 000 et des avoirs en banque pour 500 000. Ça me fait 6 250 000. Au passif, j'ai des dettes de long terme et j'ai des capitaux propres de 5 millions. Mon actif est égal au passif au 31/12/2016. Vous voyez, l'origine des ressources, il y a 5 millions qui ont été apportés par les actionnaires. C'est des fonds propres. Il y a 1 250 000 qui ont été apportés par des banquiers. Mais le banquier n'est qu'un créancier. C'est des capitaux étrangers. Ça fait un total bilan terme. Il faut qu'on s'habitue à utiliser maintenant la terminologie financière. 1 250 000, ça nous fait 6 250 000. Le total bilan terme de pied du bilan, comme on dit en France. Et au niveau des actifs, nous avons les immeubles, le matériel roulant et le compte à vue. Et ça nous fait un total bilantaire de 6 250 000. Alors, la raison pour laquelle, je reviens en arrière, la raison pour laquelle je fais apparaître les dettes et puis je veux calculer les capitaux propres, c'est que parfois, on vous donne les actifs, on vous donne les dettes, et vous devez estimer ce que vaut l'entreprise. Donc la valeur d'une entreprise, la première valeur donnée par la comptabilité, c'est les actifs moins les dettes. Donc cette entreprise vaut comptablement 5 millions. Est-ce que c'est le prix auquel elle va se vendre? Pas nécessairement, parce que ça dépend d'un tas d'éléments qui peuvent accompagner l'entreprise. Mais comptablement, sa valeur, elle est de 5 000. Alors, ce que je suis en train de viser n'est pas nécessairement à couvrir immédiatement, c'est que si je veux, par exemple, acheter cette entreprise, imaginons que ce soit un restaurant, donc une société anonyme qui a un restaurant dans les environs du Solpoche. Et la comptabilité me donne effectivement des actifs de 6 250 000, donc c'est le bâtiment, c'est le véhicule, c'est les batteries de cuisine, c'est l'argent qui se trouve sur le compte de la société. Donc il y a 6 250 000. Et puis vous avez des dettes de 1 250 000. Et donc, dans le bilan de cette société, je peux le consulter à la Banque nationale, je trouve 5 millions. Et je propose au vendeur de me le vendre à 5 millions. Il se peut qu'il n'accepte pas. Il se peut qu'il me demande 6 millions, voire 7 millions, voire 8 millions. Et pourquoi va-t-il me demander 8 millions si, en comptabilité, le bien ne vaut que 5 millions? C'est parce que il considère qu'il y a d'autres éléments que les éléments qui apparaissent là qui justifient un surprix. Par exemple, si c'est un restaurant qui a une position stratégique, si c'est un restaurant qui a une clientèle qui lui est attachée, si c'est un restaurant étoilé, si c'est un restaurant qui bénéficie de certaines compétences particulières, même si les actifs ne valent que 6 250 000 et les dettes 1 250 000, il va dire non, je ne vends pas mon restaurant à moins de 8 millions. Dans ce cas-là, on parle d'une différence qui s'appelle le goodwill. D'accord ? C'est le fonds de commerce, c'est généralement ce que vous payez lorsque vous reprenez une société qui a une image de marque, un fonds de commerce, etc. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a la valeur comptable et puis il y a une valeur de revente. Deuxième exemple. Alors essayez de réfléchir et d'élaborer un bilan et puis les capitaux propres. Allons-y. Alors, machine, c'est un actif. Caisse, c'est un actif. En fait, les avoirs, il faut les mettre à gauche. L'origine des ressources, c'est-à-dire les capitaux propres ou les dettes, il faut les mettre à droite. Dette, passif. Véhicule, actif. Alors maintenant, je vous pose une question supplémentaire. Puisque les machines, la caisse et les véhicules sont des comptes de l'actif, lequel je vais mettre avant lequel? Est-ce qu'il y a un ordre ou est-ce que je peux les mettre comme je veux? Eh bien, il y a un ordre. En fait, les actifs, on va les mettre par ordre de liquidité croissante. C'est-à-dire les plus immobilisés, les moins liquides en haut, les plus liquides en bas. Donc les actifs sont disposés par ordre de liquidité croissante. Par exemple, les terrains et les immeubles seront tout en haut, les avoirs en banque et en caisse seront tout en bas. Ordre de liquidité croissante. Et les éléments de passif seront disposés par ordre d'exigibilité croissante. C'est-à-dire que les éléments passifs vont faire apparaître les capitaux propres ou les fonds propres tout en haut, c'est les moins exigibles, et les dettes les plus exigibles tout en bas du passif. Alors quelles sont les dettes les plus exigibles? C'est les dettes salariales, sociales et fiscales. Donc, normalement, dans un bilan, on trouve en haut les capitaux propres, ensuite on trouve les dettes financières à long terme, et puis on trouve les dettes court terme. Et ces dettes court terme, c'est les dettes salariales, sociales, fiscales. Elles peuvent aussi être commerciales, elles peuvent aussi être financières. Ce sont toutes les dettes qu'il faut rembourser en dehors de l'année. Tandis que pour ces dettes, vous disposez de au moins un an. Et les capitaux propres, vous les remboursez aux actionnaires que si vous arrêtez l'activité de l'entreprise. Donc ici, on va faire le bilan. Voilà. Donc j'ai disposé machine, véhicule, caisse, par ordre de liquidité croissante. Et j'ai disposé les éléments du passif par ordre ensemble, et j'ai calculé les capitaux propres par différence entre les actifs et les dettes. Donc en fait, cette société vaut comptablement 1 012 500. Réellement, il se peut qu'elle vaille plus ou moins, parce que parfois, si vous avez des entreprises qui ont des pertes importantes et des dettes importantes, parfois les gérants de ces entreprises souhaiteraient à la limite s'en débarrasser pour 1 € symbolique, parce que celui qui reprend cette entreprise, en quelque sorte, eh bien, il reprend, je ne dirais pas un cadeau empoisonné, mais en tout cas, il vous débarrasse, vous, de pertes reportées très importantes et de dettes. Donc, vous avez des entreprises qui peuvent se vendre à un prix beaucoup plus élevé que les capitaux propres ou un prix infiniment moindre que les capitaux propres. Mais les capitaux propres, c'est la valeur comptable de la société. Troisième exemple. Allez-y. Alors, cette fois-ci, je vous demande d'élaborer le bilan en tenant compte du critère de liquidité et du critère d'exigibilité. Plus exactement, on va faire ceci. Pour bien tenir compte de ce critère de liquidité, on va distinguer à l'actif deux catégories. On a les actifs immobilisés, c'est-à-dire les actifs fixes, les fixed assets, et nous avons les actifs circulants. Donc il y a deux masses bilantaires à l'actif. Et du côté du passif, on va distinguer trois masses bilantaires, les capitaux propres, les dettes à plus d'un an, et les dettes court terme, c'est-à-dire les dettes à un an plus. Avec ça, on va se rapprocher du bilan schéma légal. Donc, dans un bilan schéma légal, du côté du passif, on distingue les capitaux qui appartiennent aux actionnaires et les dettes. Simplement, dans les dettes, on distingue les dettes à plus d'un an et les dettes à un an au plus, c'est-à-dire à moins d'un an, un an au plus. Trois catégories dans le passif. Deux catégories à l'actif, les actifs immobilisés et les actifs circulants. Ce que l'on appelle les actifs immobilisés, c'est les actifs que vous allez garder pendant au moins un an, parce qu'ils sont indispensables à l'exploitation. Par contre, les actifs circulants sont des actifs qui vont tourner, ils vont avoir une rotation, et au plus ils tournent, au plus ils engendrent une rentabilité. Donc actifs immobilisés et actifs circulants. D'accord ? On verra d'ailleurs cette terminologie en anglais très très rapidement. Et donc on va parler du balance sheet avec les assets. Les actifs immobilisés, on les appelle les fixed assets. Les actifs circulants, on va les appeler les current assets. Et du côté du passif, les capitaux propres, c'est equity. Les dettes long terme, long term debts et short term debts. Donc, on verra d'ailleurs que dans un logiciel qui analyse ses comptes et auquel nous sommes abonnés à l'université, et qui s'appelle le Belfast, les comptes sont repris en français, en néerlandais et en anglais. Et vous pouvez consulter et analyser les comptes dans l'une des trois langues. Alors, allons-y. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous allez ranger dans ces différentes catégories? Commençons par l'actif. Donc, les terrains. Pour 7 500 000, où allez-vous les mettre? Actifs ou passifs? Actifs. Alors, actifs immobilisés ou actifs circulants? immobilisé. Sauf si vous êtes une agence immobilière, vous n'achetez pas des terrains pour les revendre. Vous achetez des terrains pour construire sur les terrains ou pour utiliser les terrains. Donc, c'est des actifs fixes. Vous les achetez parce qu'ils sont indispensables à votre activité et ils s'appellent des actifs immobilisés. Bâtiment, actif immobilisé. De nouveau, si vous êtes une société immobilière, vous n'achetez pas des immeubles pour les revendre. Vous les achetez pour les garder et pour pouvoir fonctionner avec ces bâtiments. À la fin de l'année, on n'amortit pas les terrains, en revanche, on va amortir les bâtiments. D'accord ? Parce qu'un terrain ne s'use pas avec le temps, en revanche, un bâtiment s'use avec le temps. Les camions, c'est des actifs ou des passifs ? Des actifs ? Actifs fixes ou actifs circulants ? Circulants. Circulant. Pas circulants, non. Fixes. Actifs immobilisés. Vous achetez un camion ou un véhicule parce que vous en avez besoin pour votre activité. Ça s'appelle un actif fixe. Sauf si vous êtes un concessionnaire automobile, quand vous achetez des véhicules ou des camions, c'est pour les utiliser. Ils s'appellent des actifs immobilisés ou actifs fixes. Par contre, chez un concessionnaire automobile, les véhicules sont des stocks. Alors dans ce cas-là, c'est des actifs. Les dettes, c'est des passifs. Et je dois spécifier s'il s'agit de dettes long terme ou de dettes court terme. S'il s'agit de dettes à plus d'un an, elles seront ici. S'il s'agit de dettes à un an plus, elles seront là. Et les avoir en banque, c'est des actifs circulants. Et bien avec ça, nous avons notre bilan. Nous voilà. Donc nous avons des actifs immobilisés. Et nous avons un seul actif circulant. Égalité entre l'actif et le passif. Par différence entre les actifs et les dettes, nous avons les capitaux propres. D'accord avec ces trois petits exercices ? Alors, essayons maintenant de faire un exercice un peu plus long. Donc, je vous donne. Donc, on sait maintenant, on vient de le voir, mais vous voyez, si j'avais commencé par vous dire que les actifs sont rangés par ordre de liquidité et les passifs par ordre d'exigibilité en mettant des phrases, vous n'auriez pas compris. Par contre, en le faisant sur base de l'exemple, vous comprenez beaucoup mieux. Et donc, on va utiliser cette méthode pédagogique de faire chaque fois une illustration avec un exemple et puis ensuite de tirer une leçon sur base de cet exemple. Donc ici, ça vous parle parce qu'on vient de voir, sur base de deux exemples, le critère de liquidité avec les actifs les moins liquides en haut et les plus liquides en bas, et avec les éléments du passif les moins exigibles en haut et les plus exigibles en bas. Alors, by the way, puisque je parle justement de ce critère de liquidité, d'exigibilité, je dirais que partout en Europe, ce critère de liquidité est respecté, mais aux États-Unis, il est à l'envers. Donc en fait, en Europe, vous avez chaque fois les actifs immobilisés et puis les actifs circulants. Et puis vous avez les capitaux propres. Et puis vous avez les dettes à plus d'un an. Et puis vous avez les dettes à un an en plus. Donc le critère de liquidité, il fonctionne comme ceci, et le critère d'exigibilité comme ceci. Dans les comptes américains, et on en examinera un certain nombre, ces critères, ils sont à l'envers. Sinon, les mécanismes, c'est exactement les mêmes. Donc si vous prenez un bilan américain, vous allez trouver en haut les actifs circulants, et en bas, les actifs immobilisés. Vous allez trouver en haut les dettes court terme et vous allez trouver en bas les l'equity. Donc les critères de liquidité et exigibilité sont inversés dans les balance sheets américains. On les examinera en son temps. Donc liquidité croissante, exigibilité croissante. Eh bien, allons-y. Alors, je vous donne un premier bilan au 1er janvier 2016. Et puis, je vous demande de faire la suite. Et chaque fois, je vais invoquer une opération. Et puis, on va voir ensemble comment la comptabilise. Donc, le bilan zéro, c'est celui-ci. On a une société au capital de 125 000 qui a contracté des dettes de 31 250. Donc c'est une personne morale. Ça veut dire que si cette société, par exemple, elle a un capital de 125 actions de valeur nominale 1 000. Et les actionnaires sont A, B et C. D'accord ? Donc A possède par exemple 50 actions, B possède 50 actions et C possède 25 actions. A, B et C sont des personnes physiques qui sont propriétaires d'une personne morale. Et nous tenons la comptabilité de la personne morale. Ils ont créé une société au capital de 125 000. Quel est le capital minimum pour une société anonyme actuellement? 61 500. Vous ne pouvez pas créer une SA actuellement en Belgique à moins de 61 500. Et vous ne pouvez pas créer une SPRL à moins de 18 500. Simplement, si vous créez une SA au capital de 61 500 qui est le minimum, il faut les apporter, il faut les libérer. D'accord ? Par contre, si vous créez une SPRL au capital de 18 550, vous n'êtes pas obligé de libérer. On va vous demander de libérer 6 200 ou 12 400 selon que vous êtes seul ou pas. Mais pour une société anonyme, le minimum, c'est 61 500. Alors il se trouve ici que le capital est de 125 000 et la société a contracté des dettes de 31 250. Ça nous donne un total bilan terme de 156 250 et voilà ce qui a été fait avec ces 156 250. On a immeuble, véhicule, et comptable. Alors, première opération. Notre entreprise achète un mobilier de bureau pour 2000 euros. Elle le paye cash, elle le paye au comptant. Alors, je reviens en arrière et je vous demande, puisque ceci c'est l'image, c'est la première image, image 0. Est-ce que vous pouvez prendre une deuxième photo qui indique finalement ce que nous venons d'acheter et ce que nous venons de payer? Comme nous sommes en comptabilité des entreprises, c'est-à-dire une comptabilité en partie double, il y a toujours au moins deux mouvements. Vous voyez ? Si j'achète un mobilier pour 2000, j'indique que j'ai acheté un mobilier pour 2000 et j'indique que je le paye pour 2000. Ce n'est jamais une opération. C'est toujours au moins deux opérations. Alors, qu'est-ce qui va changer ici? Donc, j'ai un mobilier que je n'avais pas, qui vaut 2000. Je l'indique à gauche ou à droite? À gauche, c'est un actif. Et il se trouve que je l'ai payé. Donc j'ai un actif, banque qui diminue. Donc en fait, je vais faire apparaître mon mobilier à gauche en plus, et je vais diminuer, je vais retirer 2000 du compte banque. J'aurai ceci. J'indique en rouge les mouvements que je viens de faire. Donc j'ai un mobilier pour 2000 et j'ai de l'argent en moins pour 2000. Mon total bilantaire n'a même pas bougé. Il est toujours de 156 250. Et du côté du passif, j'ai 156 250. Mes capitaux propres, ils n'ont pas bougé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous avez acquis un mobilier pour 2000 et que vous avez payé pour 2000, vous ne vous êtes ni enrichi ni appauvri. D'accord? En effet, vous avez peut-être payé 2000, mais vous avez un mobilier qui vaut 2000. Donc il n'y a, pour l'administration fiscale, ni pour la comptabilité, il n'y a ni enrichissement, ni appauvrissement. Vous avez remplacé un mobilier, plus exactement, vous avez remplacé l'argent qui sort par un mobilier qui entre. Donc, pas d'appauvrissement, pas d'enrichissement. En réalité, à la fin de l'année, lorsqu'on va considérer que le mobilier de bureau s'est déprécié et s'amorti, c'est là qu'il va y avoir une petite perte. Mais pour l'instant, il n'y a ni enrichissement, ni appauvrissement. Même si vous avez payé, d'accord, si vous étiez une entreprise, si vous étiez un indépendant ou un commerçant personne physique, parce que vous pouvez avoir un bilan même si vous êtes une entreprise personne physique. Imaginons que vous soyez un indépendant et que vous teniez une comptabilité simplifiée. Imaginons même que vous soyez une petite ASBL avec une comptabilité simplifiée. Eh bien, si vous êtes une ASBL et que vous tenez une comptabilité simplifiée, vous allez simplement considérer une dépense de 2000. D'accord? Donc, l'ancienne comptabilité de l'État jusqu'à il y a 2 ans, quand on achetait un bâtiment, quand on achète un mobilier, c'est une dépense. Un commerçant personne physique, quand il achète quelque chose qu'il paye, c'est une dépense. On verra qu'en comptabilité, on ne se focalise pas sur la dépense, on se focalise sur le fait que nous avons un investissement de 2000 et nous avons un paiement de 2000. On décompose toujours l'opération en deux. Pour voir si vous avez compris, prenons un deuxième exemple. Donc, le premier exemple, nous l'avons concrétisé comme ceci. Deuxième exemple, vous achetez cette fois-ci une machine dont vous avez besoin pour fabriquer vos produits. Vous l'achetez pour 15 000 et vous la paierez plus tard. Donc, quand on dit qu'on achète à crédit, ça veut dire qu'on achète avec un délai de 30 jours, 60 jours, fin de mois, parce que la plupart des fournisseurs des entreprises ne peuvent pas exiger d'être payés immédiatement. Les entreprises, généralement, essayent de jouer sur le délai de paiement des fournisseurs et le délai de paiement des clients. L'entreprise qui achète un bien attend de vendre avant de payer le fournisseur. Donc, en fait, vous avez intérêt à avoir les délais clients les plus courts et les délais fournisseurs les plus longs, si vous voulez bien gérer votre trésorerie. Si vous payez vos fournisseurs avant d'avoir été payé par vos clients, ça veut dire que vous devez constamment emprunter. D'accord ? Donc, il faut qu'on fasse attention à l'aspect comptable, à l'aspect fiscal et à l'aspect trésorerie, constamment. Donc, on achète une machine pour 15 000 euros, et on va la payer un peu plus tard. Quel va être l'impact de cette opération sur notre bilan? Deux opérations. Toujours, nous sommes en partie double. Il y a un principe comptable qu'on appelle le principe de partie double. Donc la machine, c'est un actif ou un passif? C'est un actif immobilisé. On achète la machine pour produire des biens et des services et on compte la conserver pendant au moins un an. Donc ça va être un actif immobilisé quelque part ici. Et nous ne l'avons pas encore payé. On nous laisse un délai de 30 jours pour la payer. Donc je ne vais pas sortir l'argent de la banque. Qu'est-ce qui va indiquer que j'ai acheté une machine et que je la paierai plus tard? Eh bien, je vais faire apparaître une dette. Une dette comment? Alors, les dettes, elles peuvent être financières, si c'est vis-à-vis des banques. Elles peuvent être commerciales vis-à-vis des fournisseurs. Elles peuvent être salariales vis-à-vis des employés, sociales vis-à-vis de l'OLSS et fiscales vis-à-vis de l'administration fiscale. Que ce soit impôt des sociétés ou TVA. Eh bien, ici, ça va être une dette commerciale fournisseur. Donc, le bilan, suite à cette opération, va être celui-ci. On a la machine pour 15 000 euros. Et on a une dette fournisseur pour 15 000 euros. On n'a encore rien payé, mais nous avons la machine. Mais nous ne nous sommes pas enrichis, parce que si nous avons une machine de 15 000, nous avons aussi une dette de 15 000. Donc il n'y a ni enrichissement, ni appauvrissement. Ce qui peut vous surprendre, parce que finalement, ici, on n'a encore rien payé. Et on ne s'est pas appauvri. Et pourtant, quand on avait acheté le mobilier, on l'avait payé. Mais on ne s'est pas non plus appauvri. Donc, les sorties d'argent ou les rentrées d'argent ne signifient pas nécessairement, sur le plan comptable et sur le plan fiscal, un enrichissement ou un appauvrissement. Donc, dans le premier cas, je reviens là-dessus, vous avez acheté un bureau que vous avez payé. Il y a eu certes une sortie de 2000, mais vous avez un mobilier en contrepartie. Donc, même s'il y a une sortie d'argent, il n'y a ni appauvrissement ni enrichissement. Et dans le deuxième cas, vous n'avez rien décaissé, mais vous allez devoir décaisser bientôt. Eh bien, il n'y a pas non plus d'enrichissement ni d'appauvrissement. Donc, nous avons un actif en plus, un passif en plus. Le total bilantaire a changé. Mais les capitaux propres de l'entreprise, la valeur comptable n'a pas changé, elle est de 125. D'accord ? Troisième exemple. Alors ici, je veux montrer par l'absurde que si vous payez au fournisseur une partie de votre dette vis-à-vis de lui, il n'y aura pas non plus d'appauvrissement ni d'enrichissement. Donc je reviens en arrière. Alors regardez bien. Nous avons vis-à-vis du fournisseur une dette de 15 000. Mais nous n'avons que 10 500 en banque. Nous ne pouvons pas lui payer les 15 000. Si on lui paye les 15 000, on va être en négatif. Et ceci montre que certaines entreprises qui font des bénéfices comptables peuvent avoir des problèmes de trésorerie. Vous voyez ici par exemple, vous n'avez que 10 500 en banque, vous avez des dettes vis-à-vis des fournisseurs de 15 000, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois, il faudra payer aussi les dettes vis-à-vis des employés, vis-à-vis de l'OMSS, le précompte professionnel, la TVA pour le 20 du mois et sur le mois. Donc, certaines entreprises qui font des bénéfices comptables importants, si elles ne font pas attention à leur trésorerie, elles peuvent avoir des difficultés même pour payer les employés. Et si vous n'arrivez pas à payer vos dettes les plus exigibles, il se peut que vous soyez en cessation de paiement, tout en ayant des bénéfices comptables. Tout simplement parce que ces bénéfices comptables, vous ne les avez pas encaissés. Par exemple, vous avez vendu pour 1 million et votre client va vous payer dans 4 mois, ben, ce million, vous ne l'avez pas en argent, vous l'avez en créance. En attendant, vous, vous devez payer chaque mois. D'accord ? Donc, il faut soigner la comptabilité et la trésorerie. Donc ici, comme nous n'avons que 10 500, nous allons payer non pas 15 000, mais une partie. Imaginons qu'on paye 2 500. Eh bien, si on paye 2 500, voilà le résultat. Nous avons 8 000 qui nous restent en banque et nous avons 12 500 qui nous restent comme dette vis-à-vis des fournisseurs. On a payé 2 500. Nous avons un poste fournisseur qui a diminué de 2 500 et un compte banque qui a diminué de 2 500. Mais les capitaux propres n'ont pas changé de nature. Ils sont toujours de 125 000. Donc, même si vous payez, vous ne vous appauvrissez pas non plus. Faisons une dernière opération bilantaire. Lorsque vous empruntez, il y a toujours une partie de la dette qui échoue dans l'année et qu'il va falloir payer. Imaginons qu'il y ait 2 500 à payer dans l'année. Je reviens en arrière. Vous voyez ici, vous avez 31 250 de dette. Ça, c'est 31 250 de dette à plus d'un an. Il y a une partie de cette dette long terme qui devient court terme. Eh bien, imaginons que ce soit 2 500. Eh bien, c'est simple. On va juste descendre, pour respecter les critères d'exigibilité, 2 500 dans la dette court terme et garder 28 750 dans la dette long terme. Le total de l'actif n'a même pas bougé et le total du passif non plus. Mais à l'intérieur du passif, il y a un changement. Il y a une partie qui devient court terme et les capitaux propres qui n'ont pas changé. Eh bien, avec ces 4 petits exemples, je viens de montrer que certaines opérations se répercutent à l'actif et ou au passif et sans nécessairement toucher aux capitaux propres. Et si on devait faire un bilan schéma légal, on pourrait avoir ceci. Donc, en respectant le critère de liquidité et le critère d'exigibilité, je vais présenter un bilan qui se rapproche déjà du schéma de la Banque nationale, et c'est celui-ci. Donc, je ne fais, regardez bien, je reviens en arrière, je ne fais que reprendre ces actifs en isolant les actifs immobilisés des actifs circulants, et dans les passifs, j'isole les capitaux propres, les dettes long terme, les dettes court terme, et je les présente un peu plus joliment selon un schéma qui se rapproche du schéma légal, dans lequel je vais totaliser mes actifs immobilisés, et je vais mettre le total ici. Je vais totaliser les actifs circulants, je vais mettre le total ici. Je vais mettre les capitaux propres ici, les dettes long terme là, les dettes court terme ici. Et si je totalise les capitaux propres et les dettes long terme, j'ai les capitaux permanents. Donc j'ai ceci. Donc j'ai des actifs immobilisés de 160 750, j'ai des capitaux propres de 8 000. J'ai des... Non. J'ai des actifs immobilisés de 160 750 et des actifs circulants de 8 000. J'ai des capitaux propres de 125 000. J'ai des dettes long terme de 28 750. Et le total me donne des capitaux permanents de 153 750. Et j'ai des dettes court terme de 15 000. Donc voilà un bilan qui est presque fait selon le schéma légal. Et maintenant, juste pendant 5 minutes, je voudrais qu'on entame déjà le compte de résultat sur lequel nous poursuivrons la semaine prochaine. Alors, compte de résultat, on garde le bilan. Faites attention, on va juste faire deux petits exemples et on laissera les autres pour la fois suivante. je reprends mon bilan que je viens de faire. Et cette fois-ci, alors regardez bien, je vais faire intervenir des opérations qui vont mouvementer les capitaux propres. Je vais faire intervenir des opérations qui vont m'enrichir ou m'appauvrir. Première opération. On achète des marchandises pour 1250 et on les revend à 1750. C'est vrai qu'on n'a pas encore payé le fournisseur puisqu'on les achète à crédit. Mais c'est vrai aussi qu'on les a vendus à crédit. Donc, vous avez acheté pour 1250 sans payer le fournisseur et vous avez revendu à 1750 et vous avez une créance de 1750. Si je veux voir quel est l'impact de cette opération, il va y avoir un déséquilibre. En effet, regardez bien, j'ai 170 000 au passif et j'ai 170 500 à l'actif. J'ai un déséquilibre. Pourquoi est-ce que j'ai le déséquilibre? C'est parce que, je reviens en arrière, ce que j'ai acheté à 1250, je l'ai vendu à 1750. J'ai fait pour la première fois un bénéfice de 500. Eh bien, il faut traduire ce bénéfice en comptabilité. Et c'est la raison pour laquelle je veux faire apparaître des capitaux propres de 125 500. Vous voyez ? Si je fais la différence entre mes actifs et mes dettes, pour la première fois, mes capitaux propres, ils sont passés de 125 000 à 125 500. Je fais un bénéfice comptable et fiscal de 500. Pourtant, je n'ai rien perçu encore, mais je n'ai rien payé non plus. Deuxième opération, pas très importante. J'encaisse les 1750 et je décaisse 750. En réalité, ce que je veux montrer avec cette opération, c'est que lorsque vous payez et lorsque vous encaissez, il n'y a pas nécessairement appauvrissement. Par contre, il peut y avoir appauvrissement ou enrichissement, même s'il n'y a pas d'encaissement et de décaissement. Donc ici, je veux juste vous montrer ceci. Mes clients me payent les 1750 et je paye 750 au fournisseur. Eh bien, mes capitaux propres sont toujours de 125 500. Donc, lorsque j'ai vendu à 1750 quelque chose que j'ai acheté à 1250, j'ai fait un bénéfice. Mais lorsque je me suis fait payer par les clients et que j'ai payé les fournisseurs, il y a eu des bénéfices ni pertes. C'est pour vous montrer que le résultat comptable et fiscal ne suivent pas les mouvements financiers. Dès que vous avez vendu, vous vous êtes enrichi, vous avez du fisc. Vous ne pouvez pas dire au fisc, j'ai vendu pour 1750, mais je n'ai pas encore encaissé les 1750. Le fisc va vous dire, on s'en fiche. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1750, vous vous êtes enrichi de 1750. Le fait que vous encaissiez ou pas, c'est un élément de trésor. En comptabilité, ce n'est pas le plus important. Et enfin, dernière opération, vous recevez une facture de téléphone et vous payez des intérêts. Alors, vous allez décaisser 150 euros et 200 euros. Les 150, c'est le téléphone et les intérêts, c'est 200. Donc, vous allez sortir moins 350 du compte banque. Mais, à votre avis, qu'est-ce que vous avez en échange des 150 de téléphone? Rien du tout. C'est un service que vous avez consommé. C'est parti en fumée et en contrepartie des 200 d'intérêt, bah, non plus. Donc en réalité, si je présente le bilan suite au décaissement des 350, je vais avoir un déséquilibre. En réalité, j'ai décaissé moins 350, mais je n'ai rien en contrepartie. Donc, je me suis appauvri. Pour montrer l'appauvrissement, il faut faire la différence entre les actifs et les dettes, et je vais avoir un appauvrissement de 350. Donc, mes capitaux propres, ils descendent à 125 150. Cet appauvrissement de 350, ce n'est pas parce que j'ai décaissé, c'est parce que j'ai consommé du téléphone et j'ai consommé des intérêts. Donc, la fois prochaine, on va commencer l'enregistrement des opérations. Attention, vis-à-vis des interrogations, la séance de la semaine prochaine est capitale, puisque c'est l'enregistrement dans les livres de la compagnie. Bon appétit.